Allô? Oui, bonjour ma sœur. Bonjour, monsieur. C'est bien les petites sœurs des pauvres. Oui. Bonjour, c'est l'archevêché. Oui. Je vous passe sœur Germaine, Oui. les petites sœurs des riches. Oui. Allô? Allô? Oh, bonjour ma sœur. Bonjour, ma sœur. Sœur Germaine à l'appareil. Sœur Germaine. Et moi, sœur Emmanuelle. Ah, Emmanuel. Mais Emmanuel, un ou... Non, c'est sœur Emmanuelle. C'est Ah. mon nom de religion. Alors vous êtes aux petites sœurs des pauvres. Oui. Eh bien moi je suis aux petites sœurs des riches. Ah bon? À Neuilly. Annuyé. Oui, c'est comme ça qu'on s'appelle maintenant parce qu'il y a tellement d'argent. Ah bon? Oh oui. Vous roulez en quoi, vous? Nous avons une 4L encore, nous. Oh, eh ben ma pauvre. Ah Mais elle bon. roule bien, vous savez. Oui, nous on a 6 Porsche, 2 Ah Bentley, bon? on a 2 Range Rover. Ah bon? Oui. Et alors, votre bijoutier, c'est qui, vous? Notre bijoutier. On n'achète pas de bijoux, nous. Ah bon? Pourquoi vous voulez qu'on achète des bijoux? Ben, à quoi ça vous sert tout l'argent? Eh bien, l'argent, ben, c'est pour servir les pauvres. Ben oui, mais il en reste, non? Il vous en reste pas Ah après? là là, on n'en a pas assez, au contraire. Oh ben nous, à Neuilly, alors là, on en a, hein? Tant mieux. Oui, tous les samedis, après-midi, on va place Vendôme avec Oui. les petites sœurs des riches et puis on achète des bijoux. Oh oui, oh là là. C'est pas notre cas. Et qu'est-ce que vous souhaitiez alors me dire? Je voulais savoir si vous aviez les cours de la bourse parce que mon ordinateur est en panne. Ah, écoutez, vous savez, je ne suis pas les cours de la bourse. Je pense qu'on vous renseignera mieux là où vous êtes, là, si vous êtes à l'évêché. Ben oui, c'est vrai. Mais monseigneur est justement, il est sur Internet, Ah lui. Il est bon? en train d'acheter un trois-mâts, là. Alors évidemment, moi je cherche les cours de la bourse parce que je voulais savoir où j'en étais, quoi. Oui. Mais Non. pas sur mon PEA, hein, Moi, sur je ne peux mon. pas vous renseigner. Ah bon? Non. Alors vous allez où en vacances cet été? Ben, nous n'allons jamais en vacances, nous. Pardon? Nous allons faire une retraite spirituelle chaque année. Vous faites ça où? À Saint-Tropez? Non. Non, nous allons dans des maisons de petites sœurs. Ah oui, là, Oui. on part à Marrakech ce week-end. Je suis embêté parce qu'on devait aller justement place Vendôme acheter des bijoux, mais ils nous ont programmé un week-end à Marrakech. Ah bon? À la Médina, oui. Oh oui, oh là là là là. Eh bien, écoutez, bon courage. Hein. Oh, ben vous savez, il nous en faut, hein, vous Mais savez. je prie pour vous et Ben priez moi. pour nous aussi. Oui, il nous en faut du courage On en a ce bien moment. besoin. On en a besoin, vous savez, vous êtes au courant de ce qui nous arrive. Non, je ne suis pas au courant Ah du tout. bon? Eh bien, figurez-vous que la saison de la truffe est terminée. Quand on a appris ça hier soir, je peux vous dire, on a fini notre caviar dardard et on est allé regarder un film dans notre cellule, on était dégoûtés. Ah, c'est pas une vie d'être une petite sœur des riches, hein. Bon, ben, ma sœur. Voilà. Au revoir, ma sœur. Au revoir, ma Merci. sœur. Et puis, on se reverra là-haut. Oui, sûrement. Oh oui, J'espère. j'ai fait construire, j'ai acheté du terrain. Merci. Au revoir, ma Au sœur. revoir, ma Au revoir. sœur. Nous avons une 4L encore, nous. Oh, elle va, ma pauvre.